and Ramir Bearden, the wonderful artist, and Paul Robeson, Louis Armstrong, Jimi Hendrix. And so they're all over this wall. Adam Clayton Powell, right there. Dinah Washington, Tupac. And so there are different Thelonious Monk, Max Roach, Armstrong again. And so, there it is, bebop and the birth of bebop, or Grandmaster Flash and hip hop, or Nina Simone, Dinah Washington. Les différentes figures sur ce mur sont politiques, religieuses ou culturelles. Trois choses qui ont été si importantes à Harlem et qui l'ont construite de différentes façons, comme le centre de l'Afro-Amérique. Et donc le nom des rues, les dessins sur les murs, le nom des magasins insistent pour nous rappeler l'importance du quartier et nous donnent à comprendre pourquoi le quartier représente toujours autant le cœur de l'Amérique noire. De tant de façons, ça a été un endroit d'arrivée pour beaucoup. Une petite porte d'entrée pour les migrants qui sont venus du sud jusqu'au nord et qui sont arrivés ici, à Harlem, qui est devenue leur maison. Mais aussi pour des gens qui sont venus des Caraïbes, d'Europe, d'Afrique. C'est également un point d'arrivée en termes d'identité, un endroit où vous vous sentez à la maison. Vous sentez qu'Harlem est là où vous appartenez. La maison est là où le cœur est. Mais Garnett, si vous habitiez dans cette rue, Malcolm X Boulevard, qui s'appelle aussi Lenox Avenue, quel nom vous mettriez sur l'enveloppe, Malcolm ou Lenox? Vous devez choisir entre les deux. Je choisirais Malcolm X. Les gens alternent entre les deux. Mais je choisirais Malcolm X parce que j'aime être dans un endroit dans lequel l'histoire déborde. Et parfois, New York est dans un sens tellement concentré sur le futur que vous pensez que c'est un endroit sans passé. Mais quand vous marchez sous les différents panneaux, les différents emblèmes, c'est un endroit avec un long passé et beaucoup d'histoire. Une histoire entremêlée. Mais à New York, parfois, nous sommes tellement focalisés sur l'ambition, sur la progression, que cela remplace le passé. À New York, vous devez travailler beaucoup plus dur pour démêler cette histoire. Chaque cité est un fossile, et ce qui est merveilleux quand on marche, c'est que se balader devient un moyen d'être une sorte d'archéologue, un anthropologue, un historien. Avec ce fossile, vous épluchez les couches de sédiments de l'histoire pour vous demander qui a vécu ici, que s'est-il passé ici. Et c'est pour ça que Harlem est un endroit si agréable où marcher. C'est comme si ces fossiles et ces couches étaient plus visibles, plus vibrants. Parce que les gens sont beaucoup plus attentifs et passionnés grâce à l'importance du quartier. Mais en un sens, oui, tous les quartiers sont importants et donc marcher aide à révéler ça. Mais à Harlem, c'est beaucoup plus proche de la surface. C'est plus facile à voir, à ressentir, à en faire l'expérience grâce à la conscience profonde du quartier, de ce que Harlem a été et de ce que Harlem continue d'être pour les Américains noirs. Et donc vous voyez ici ce qui pour moi est devenu un microcosme du quartier, ce que le quartier considère comme important, ce qu'il célèbre comme important, d'une façon selon laquelle le quartier lui-même est important pour New York. Professeur Levering Lewis, merci de nous accueillir chez vous. Pleasure to meet you indeed. Votre domicile this opportunity. À New York. Vous êtes un des grands spécialistes, notamment de Harlem, et des grands fondateurs, des grands penseurs des droits civiques, notamment le Dubois, dont vous avez été le biographe. Professeur Lewis, que pourrait signifier aujourd'hui être noir à Harlem? Comment vous pourriez définir aujourd'hui, à cette époque? J'essaie juste de réfléchir à un moment pivot. Et je ne veux pas être autocentré ici, mais juste après la fin de la présidence de Bill Clinton, il savait qu'il allait déménager à Harlem. J'ai écrit un article dans le New York Times dans lequel je prédisais que ça allait être dévastateur. D'abord, certains disaient que c'était une chose merveilleuse d'avoir cet ex-président ici, Bill Clinton, qui était, selon notre lauréat du prix Nobel, Toni Morrison, le premier président noir. Il avait une sorte de je ne sais quoi noir qui plaisait. Il était saxophoniste, c'était un vrai homme du Sud avec un talent pour la tchatch, il savait danser, ce genre de choses. Donc on disait, il est un des nôtres, ce sera sympa de l'avoir ici. Mais je prédisais que les réelles conséquences seraient, dans une courte période, l'attention portée aux possibilités immobilières d'Harlem. Ce n'est pas arrivé si vite que ma prophétie l'indiquait, parce qu'il y avait un repoussoir. Harlem pouvait être un endroit très dangereux. Il se trouve que si vous alliez explorer l'immobilier, vous pouviez ne pas survivre. Si vous conduisiez à travers la ville, que vous gariez votre voiture, vous reveniez et les roues avaient disparu. Il y a cette blague connue. Quelqu'un se gare dans Harlem et met un panneau à la fenêtre où il est écrit « Pas de radio ». Quand il revient, la fenêtre est brisée et il y a écrit sur le panneau « Achetez-en une ». Donc, vous ne pouvez pas vraiment vous emparer d'Harlem du jour au lendemain. Et bien sûr, il y a eu des porte-paroles, des communautés très importantes, des conseillers municipaux et ce genre de personnes. Mais tout cela est de l'histoire, parce que dans les décennies passées et les 5 dernières années, je crois qu'une fois qu'on a commencé à sortir de la débâcle de 2008, les gens regardaient autour d'eux et réalisaient que le coût de l'immobilier et la disponibilité de l'immobilier étaient inexploitables. Il n'y avait vraiment aucun endroit où aller à part Harlem. Harlem a connu un bond impressionnant. Les immeubles ont été bien modernisés et améliorés. De grands boulevards, pas de gratte-ciel menaçant. C'était un endroit très attrayant. Et ces invitations, maintenant, ont été acceptées. Et donc, tout est en train de changer assez rapidement. Ça signifie que Harlem ressemblera un peu à Berlin, où j'ai passé du temps, il n'y a pas si longtemps. Il n'y a pas beaucoup de Juifs à Berlin, mais toutes les rues ont des plaques pour représenter la population juive. Ici a vécu un tel. Ici, telle chose s'est passée. Je pense qu'Harlem va ressembler beaucoup à Berlin. Il y aura des plaques pour honorer de bons chanteurs, des artistes, Fats Waller, Louis Armstrong, Duke Ellington. Et étant donné ma génération, je ne connais pas les nouveaux phénomènes de la chanson et de la danse, mais il y en a certainement. Et le nom des rues fera écho à cet indispensable présent des gens de couleur. Mais ce sera un endroit exagérément blanc, libéral, démocrate, et il y aura là de merveilleux restaurants. 18 mois. Oui, depuis l'été dernier. Et vous habitiez où avant? Aussi à Harlem, dans le quartier qui s'appelle Hamilton Heights, qui est plus au nord et plus à l'ouest. Donc ça fait, vous êtes un habitué du quartier de Harlem. Oui, oui, oui. Ici, c'est plus Central Harlem. Central Harlem. C'est plus pauvre. Je m'appelle Richard Roth, R-O-T-H, et je suis un avocat et je suis agent immobilier. J'habitais à Harlem depuis 2002, février 2002, et je l'aime bien. Alors on essaie de savoir, de comprendre ce qui a changé dans Harlem. Oui. Au cours des dernières années, justement. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce qui a le plus changé? Bon, il y a plus de blancs. Maintenant, peut-être il y a 15 à 18% de blancs. Je ne sais pas exactement les chiffres. Les loyers sont plus chers, sont beaucoup plus chers. Ouais. Moi, je paye presque 5 000 $ par mois. Mais j'ai deux étages et une terrasse. Et pourquoi pensez-vous qu'il y a plus de blancs aujourd'hui qu'il y a quelques années? Parce qu'il y a moins de crimes. Et aussi que Manhattan est devenu super cher. Et il y a aussi une tendance que les gens, quand ils vieillissent, et ils sont finis avec les enfants, et les enfants sont des adultes maintenant, ils rentrent dans toutes les villes aux États-Unis, ils rentrent en ville. Parce que les villes sont plus intéressantes pour les vieux. Les musées, théâtres, etc. Tout les plaisirs d'une ville, d'une grande ville. Donc il y a beaucoup de vieux qui reviennent à Manhattan. Et Manhattan est hors de prix. Et il y a beaucoup d'investisseurs qui veulent acheter quelque chose à New York City. Donc il y a moins de crimes. Mais et aussi la ville de New York a fait un effort pour améliorer les écoles publiques. Et maintenant, on peut élever une famille à New York. Mais dans les années 80, par exemple, dans l'époque de crack cocaine, c'était très dangereux pour une famille, c'était aussi cher. Les écoles publiques étaient mauvaises, mais très médiocres. À cette époque, pour bien élever un enfant, il fallait payer pour une école privée qui peut coûter entre 25 000 et 40 000 $ par an. Que pensez-vous, en tant qu'habitant de ce quartier, des débats et des rapports qu'il y a aujourd'hui qui parlent de ségrégation à Harlem et dans d'autres quartiers d'ailleurs de New York ou d'autres villes aux États-Unis, où à cause du prix des loyers, de la question des violences, etc., qu'une population, la population afro-américaine, ou à partir et s'éloigner de plus en plus. Est-ce que le mot ségrégation vous paraît trop fort ou est-ce qu'il vous paraît juste? C'est trop fort. Il n'y a pas de ségrégation. Donc il y a aussi beaucoup de public housing, le HLM, dans ce quartier. Aujourd'hui, d'ailleurs, on peut l'entendre, nous sommes le dimanche 18 septembre, c'est la parade nationale des Afro-Américains, c'est un jour national aux États-Unis, donc nous sommes ensemble dans Harlem. Nous entendons les tambours, les gens qui défilent. Cette manifestation a lieu dans un contexte très particulier aux États-Unis, où on parle beaucoup des violences policières, des questions de justice, etc. Votre sentiment sur ces problématiques-là, des violences, de la justice, des mobilisations comme Black Lives Matter, etc. On va attendre un tout petit peu. Donc c'est toujours le même parade. Chaque année, c'est le troisième dimanche, deuxième dimanche en septembre. Mais ils ne sont pas bien organisés, les Noirs, à mon avis. Et à mon avis, ça c'est plutôt culturel que politique, ce parade. Donc, c'est une tradition de Harlem. Et Harlem, c'est le centre, dans ces régions, c'est le centre des des Africains-Américains. Et comprenez-vous un mouvement comme Black Lives Matter et l'importance que ce mouvement a pris au cours des derniers mois? Pas vraiment, non. Mais pensez-vous que la question, Richard, que la question afro-américaine reste d'importance? Est-ce qu'elle a sa part dans le débat aujourd'hui? Elle a sa part, mais je ne sais pas exactement où ils vont, où va ce débat. Ils ne sont pas super bien organisés. Qui est le chef des Noirs aux États-Unis? Je ne sais pas. Il n'y en a pas. Barack Obama, mais il est président des États-Unis. Il est président de tous les gens, de tous les Américains. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire après le 20 janvier, mais... Vous-même, en tant qu'habitant de Harlem, est-il facile d'avoir des amis afro-américains dans Harlem? Oui et non. Dans mon ancien quartier, qui était plus... c'était plus bourgeois, le quartier, donc il y a beaucoup de professionnels, c'était plus facile. Mais ici, ce bloc n'est pas aussi bien. Eric Garner, 43 ans. Ezel Ford, 25 ans. Michael Brown Jr., 18 ans. Christian Taylor, 19 ans. Walter Scott, 50 ans. Natasha McKinney, 37 ans. Freddie Gray, 25 ans. Brandon Glenn, 29 ans. Samuel Dubose, 43 ans. Gregory Gunn, 58 ans. Akiel Denkins, 24 ans. Garnett Cadogan, vous appartenez à cette nouvelle génération d'écrivains américains et vous êtes partie intégrante, un des auteurs de cet ouvrage collectif publié sous la direction de Jasmine Ward, The Fire This Time. Vous avez publié un essai assez spectaculaire en tant que randonneur. Vous aimez marcher dans les villes, mais vous avez dû changer votre manière de faire à cause des questions de violence policière, des soupçons qui peuvent peser sur vous à cause de la couleur de votre peau. My essay Black and Blue in The Fire This Time, edited by Jasmine Ward. Mon essai Black and Blue et The Fire This Time ont d'abord été édités par John Freeman. Edited by John Freeman. And it emerged out of conversations. Et il est né des conversations que j'avais avec des amis à propos des différentes façons dont je naviguais dans la ville. Et une nuit, autour d'un verre, je discutais avec John Freeman en expliquant les différentes techniques que j'utilisais pour garantir ma sécurité. J'avais un livre à la main et il a plaisanté en disant « Est-ce que je suis censé être ennuyeux ? Pourquoi as-tu besoin d'un livre ? Ma compagnie n'est-elle pas suffisante ?» Et je lui ai expliqué, oui, j'aime lire, et j'aime avoir toujours un livre à lire. Mais ça a une double fonction. Avoir un livre fait partie du costume, de l'apparence que je veux avoir quand je me déplace dans la ville. Cela véhicule l'idée de sécurité aux autres, qui véhicule l'idée que je ne suis pas une menace, que les citoyens n'ont aucune raison d'avoir peur de moi, ou penser que je vais leur faire du mal, les voler ou les mettre mal à l'aise. And John asked, why was this costume necessary? Et John m'a demandé, pourquoi ce costume est-il nécessaire? Tu es traité différemment en tant que citoyen? I'm a Jamaican born and raised, and I came here in my mid-20s to New Orleans. Il se trouve que je suis né et que j'ai grandi en Jamaïque. Before moving to New York, je suis venu à New Orleans quand j'avais une vingtaine d'années. J'y ai vécu pendant 9 ans avant de déménager à New York, poussé en partie par les dévastations de l'ouragan Katrina. Et je vis à New York depuis. Et je me suis rendu compte, quand je venais juste d'arriver aux États-Unis, que les gens se comportaient avec une sorte de prudence quand je me promenais dans les rues, en particulier la nuit. Au début, j'essayais d'explorer la Nouvelle-Orléans. C'est une ville tellement vibrante, exubérante et colorée que je voulais immédiatement plonger dans cette exubérance et cette joie qu'est la New Orleans. Dans ce pourquoi cette ville est si justement populaire. Mais je me suis aperçu que des gens commençaient à changer de trottoir quand ils me voyaient ou à gripper leur sac à main quand je m'approchais. Et j'ai commencé à me demander si c'était à cause de mes mouvements, de mes pas, de mes habits. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre que c'était à cause de ma couleur de peau. Et je l'ai vu parce que parfois, dans la ville, les gens me traitaient d'une façon particulière, qui semblait montrer aux autres qu'ils étaient anxieux, nerveux, suspicieux. Mais immédiatement, quelqu'un d'autre habillé de façon similaire, avec une démarche similaire, à la différence qu'il était blanc alors que j'étais noir, était traité de façon très différente. Par exemple, une fois j'étais dans la rue à un passage piéton, et un homme en fauteuil roulant avait une roue coincée dans un trou. J'ai donc proposé de le pousser hors du trou et de l'aider à traverser la rue, et il m'a menacé de me tirer dessus. Il m'a insulté et il m'a dit de m'en aller. Et immédiatement est arrivé un jeune homme blanc habillé de façon similaire à la mienne, de la même université que moi. Nous faisions partie du même groupe en train de marcher. Lui a proposé de le pousser jusqu'à l'autre côté de la rue, et là il était évident que la différence portait sur le fait qu'il était un jeune homme blanc alors que j'étais un jeune homme noir. Et j'ai continué à avoir de plus en plus ce genre de différence dans la ville où j'étais traité comme un suspect. Donc j'ai commencé à apprendre ces règles, qu'il n'était pas suffisant pour moi d'essayer de comprendre de quelle façon je pouvais être menaçant, mais je devais aussi commencer à imaginer pourquoi les gens pouvaient me considérer comme une menace. Donc j'ai commencé à m'habiller d'une façon qui véhiculait la sécurité autant que possible, bien comme il faut, comme un professionnel, pour que les gens pensent « Oh, c'est un jeune travailleur » ou « Oh, c'est un jeune étudiant ». J'avais décidé d'avoir toujours un livre à la main, un pantalon en toile, de belles chaussures, une chemise Oxford, et même un blazer, pour dire « Je suis sans danger, pas besoin de vous inquiéter, pas besoin d'agripper votre sac à main, pas besoin de traverser la rue. » Ou, ce qui est arrivé quelquefois, pas besoin d'appeler la police pour dire que vous voyez un homme suspect qui s'approche ou qui vient de vous dépasser. Et donc marcher est devenu une sorte de danse, une chorégraphie. Certains pourraient dire pour éviter l'apparence commune. Si je marche et que j'ai oublié quelque chose, je ne fais pas un demi-tour brusquement, parce qu'un demi-tour brusque est interprété comme menaçant. En fait, je ne fais rien qui peut frapper les gens, qui peut être imprévisible ou bizarre. Or random. Which, in some ways, undercuts the joys of walking, because to walk. Et c'est ce qui quelque part entame la joie de marcher. Parce que marcher de façon spontanée, marcher comme un promeneur en suivant vos sens et les sons particuliers de la ville, en vous faisant vous demander d'où vient cette musique, ou à propos de quoi ce rire se déclenche-t-il, ou d'où viennent ces odeurs. Oh, quelle délicieuse odeur de curry! Y a-t-il un restaurant qui est dans le coin, ou est-ce qu'il y a une soirée barbecue, ou un site particulier, où il semble y avoir une parade, ou encore une architecture particulière que vous aimeriez admirer? Eh bien, toutes ces choses sont des choses qui invitent à la suspicion. Je l'ai expérimenté plusieurs fois. Et c'est cela qui peut rendre les villes si enivrées, si vibrantes. Et c'est ça qui rend le fait de vivre dans ces villes une chose si merveilleuse. La chance d'une joie inattendue. La chance de découvrir et d'interagir avec quelque chose de nouveau. La chance de s'ouvrir par le fait d'être en contact avec des choses de la ville qui ne sont pas familières. Et donc il y a cette tension étrange lorsque vous êtes une personne noire et que vous marchez. Yes, sir. No, sir. I wasn't doing that, sir. Yes, sir. No, sir. I wasn't doing that, sir. Yes, sir. No, sir. I wasn't doing that, sir. J'avais 10 ans, c'était évident que j'avais 10 ans. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, mais je me souviens toujours qu'à un moment donné, un des flics m'a poussé. Et avec le réflexe d'un garçon, enfin le réflexe d'un gosse, quand je n'avais pas encore eu le temps d'avoir peur, j'ai réagi d'une façon hostile. Enfin, je l'ai poussé, enfin je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je me souviens qu'il m'a battu. Tous les deux, un garçon de 10 ans. Et ça, ça m'avait frappé énormément plus tard, pas uniquement pas parce que c'était moi, mais évidemment au début c'était parce que c'était moi, mais quand j'ai compris que c'était parce que j'étais noir, il y avait quelque chose d'autre qui était arrivé dans l'esprit. Mais non, ça va pour moi, parce que j'ai presque 50 ans. Mais on peut pas, on n'a pas le droit de laisser les autres faire la même chose avec un garçon de 10 ans. Les gars sont noirs de 10 ans, mais non. And so right now we have the Guardian Council, the Grand Council of Guardians is here, established in 1976. As you all know, they are members of NYPD. New York City Police Department Guardians Association represent women and men, African American men and women in NYPD. Hello, Secreto. Don't act like you don't know us. Hello, everybody. Hello, everybody. These are all the hang up. Oh, this is a crew. Thank you very much. Nice to meet you, too. No. Fine, thank you. Oh, thank you. You are the current president? Vice president. Vice President, Vice President. I was president for 20 years. 20 years of the Guardians. Yeah. Almost like, no, when I was a kid. My name is Eugene. Je m'appelle Eugene Jordan. Et je suis l'ancien président et trésorier à la Guardian Association. Et c'est la 32e fois que je regarde la parade nationale afro-américaine. J'ai commencé à y assister avant que nous y prenions part en tant qu'organisation. J'ai grandi à Harlem. Et c'est quelque chose d'important pour moi, de montrer, de mettre en valeur ma communauté à Harlem. Et j'apprécie que vous soyez là, d'informer les gens du reste du monde sur les gens bien d'Harlem, les gens merveilleux d'Harlem. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre association, les Guardians ? La Guardian Association est une organisation qui s'est fondée initialement pour des officiers, mais qui s'est maintenant étendue à tout le système judiciaire, dans le but d'y promouvoir des opportunités égales pour tous. Et quand j'ai commencé, la représentation des Afro-Américains était très faible. Et maintenant, notre organisation fait tout pour que le nombre augmente afin de refléter notre communauté. Et le pourcentage d'Afro-Américains dans la communauté devrait être le même que dans le système judiciaire, au lieu d'être juste des individus utilisés par le système judiciaire. Par exemple, selon vous, y a-t-il assez d'Afro-Américains dans les services de police ? Je laisse les services de police parler de ça. Je ne peux pas parler pour la police, étant des services judiciaires. Mais le but de beaucoup d'organisations, comme la Guardians Organization, est d'augmenter le nombre d'Afro-Américains dans tous les métiers. Donc si nous n'avons pas atteint le bon pourcentage, on est en bonne voie, parce que l'organisation ne laissera pas tomber. Monsieur, vous appartenez à cette association depuis de très nombreuses années. Vous en étiez d'ailleurs le président. Quelle est votre vision sur le long terme de cette question de la justice et des Afro-Américains? Dealing with court, justice, etc. in America. How do you see on long term? Eh bien, ce ne sera jamais totalement juste parce que, de façon évidente, il y a encore beaucoup de racisme dans ce pays. Souvent, les Afro-Américains ou d'autres minorités ne sont pas traités de façon juste par le système judiciaire. Parce que vous savez, parfois, pour deux personnes qui ont commis le même crime, celle qui sera Afro-Américaine ou Hispanique aura une peine plus lourde et moins d'opportunités pendant le plaidoyer, moins d'opportunités pour sortir, pour que leur dossier soit scellé après, et plein d'autres choses encore. Nous ne sommes pas traités comme les autres le sont. Ce n'est pas juste, mais et la justice se voile totalement la face. Êtes-vous optimiste pour le futur ? Eh bien, je le dois. Demandez-leur, ce sont eux qui vont faire le travail dans le futur. Je suis Todd Taylor, le premier vice-président des Guardians. Je suis optimiste d'une certaine façon. Nous avons besoin de plus d'Afro-Américains et de minorités dans les forces de police, les tribunaux, le système pénitentiaire. Pour montrer, le nombre a augmenté avec les juges et tout ça, et nous avons besoin d'unifier cela. C'est difficile parce qu'il y a toujours des forces qui démolissent ces avancées. Il y a toujours un aspect mental à cette situation, et nous faisons notre mieux pour faire évoluer les mentalités des Afro-Américains. Pensez-vous que la réponse doit venir des politiques ? Non, ça ne peut pas venir d'eux parce que les politiques ne s'intéressent qu'à l'argent. Et quand vous avez quelqu'un comme Trump qui est candidat et divise notre pays, que pouvons-nous faire? Nous sommes une nation de suiveurs et pas une nation de leaders. Alors, ça nous dissuade. Nous sommes avec trois membres donc, de l'association des Guardians, l'association afro-américaine pour les policiers et la justice. What do you think, if you accept to tell me, que pensez-vous d'un mouvement comme Black Lives Matter aujourd'hui ? Ce n'est pas venu de nulle part. Dans beaucoup d'endroits, il y a eu de l'injustice. Dans beaucoup d'endroits, des gens ne sont pas traités correctement par la justice. Il y a des villes où il y a beaucoup de racisme, où les forces de police sont peut-être 1000 quand il y a 20 policiers issus des minorités. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous ne pouvez pas attendre de ces gens qui nous regardent alors qu'ils sont abusés dans leur propre communauté et penser que c'est acceptable. Non, la vie des Noirs ne compte pas. La vie des Noirs doit compter pour les Noirs. Nous devons nous bouger pour faire changer les choses dans notre communauté. Nous devons nous battre, jamais abandonner. Parce que personne ne va nous donner quoi que ce soit. C'est la nature des États-Unis. Personne ne vous donne rien. Vous devez le prendre. Si vous regardez les statistiques à propos de Black Lives Matter, il y a plus de blancs qui tuent des blancs que de noirs qui tuent des noirs ou que de blancs qui tuent des noirs. Et la seule chose que vous voyez dans les médias de notre pays, ce sont des noirs qui tuent des noirs. Mais ça ne se passe pas comme ça. Quand vous représentez moins de 25% de la population, sachant que la plupart des blancs bénéficient des aides sociales, la plupart des blancs tuent des blancs, alors que notre taux d'incarcération est 2 à 3 fois plus élevé qu'eux. Et c'est à cause des juges. Les procureurs sont tous blancs. Donc ils engagent des poursuites contre nous. Les officiers de police sont tous blancs et ils engagent des poursuites contre nous. Donc, quand nous essayons de changer de procureur, on a des situations qui nous divisent, comme Eric Garner. Il a été tué par un officier blanc et l'ont laissé partir. Alors nous faisons de notre mieux pour changer cela. Et tout ce que nous pouvons faire est de continuer à nous battre, d'avoir un mouvement pour que la vie des Noirs compte. C'est tout. Vous voulez nous dire un mot à ce propos ? Oui, je suis Sidney Moses, je suis le deuxième vice-président des Guardians. Les problèmes dans notre communauté sont sociaux et économiques. Vous savez, nous devons changer l'économie de notre communauté. Les gens doivent avoir du travail, être capables de se nourrir, de nourrir leur famille et de faire abaisser les taux de criminalité. Quand vous voulez dépenser plus d'argent pour garder un homme en prison plutôt que l'aider à nourrir sa famille, ça c'est un problème. Donc quand vous avez une famille avec trois jeunes hommes noirs et que la ville veut payer à peu près 60 000 dollars tous les ans pour chaque homme, c'est 180 000 dollars que vous pourriez donner à cette famille pour les aider à s'épanouir. Donc c'est économique et c'est politique et c'est simplement un programme social. Nous devons simplement nourrir notre peuple. Les gens doivent apprendre comment se nourrir, comment prendre soin de leur famille. Dans le but de faire diminuer le nombre de crimes, nous devons simplement apprendre à vivre bien ensemble et nous aimer les uns les autres, parce que nous sommes divisés, nous sommes radicalement divisés. Nous sommes divisés en castes, nous sommes tous divisés. Peu importe, dans la même race, nous sommes divisés. Donc si les gens à peau claire n'aiment pas les gens à peau foncée, si les gens à cheveux lisses n'aiment pas les gens à cheveux bouclés, il y a un problème et nous devons le régler. Vous savez, nous devons simplement revenir à l'économie et arrêter de dépenser autant d'argent pour mettre les gens en prison et trouver un moyen de nourrir les familles. Notre système carcéral est un gros business ici. On dit que quand l'esclavage a pris fin, il y avait des travailleurs gratuits. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont à faire s'ils veulent avoir des travailleurs gratuits ? Ils ont conçu notre système carcéral. Ça, c'est profond. C'est le type de débat qu'on peut continuer toute la journée. Ils veulent mettre les gens en prison pour que les entreprises aient des travailleurs gratuits. Donc on est dans une situation où des gens en prison font le travail pour des sociétés qui ne veulent pas payer pour ça. Simplement, vous êtes payé moins de 60 centimes de l'heure. Vous voyez comme ils sont payés pour faire un travail que d'autres feraient pour un salaire décent. Et c'est pour ça que la récidive est si élevée. Les gens retournent en prison parce qu'ils n'ont rien à faire, parce qu'ils sont arrêtés pour des délits mineurs, qui sont en période probatoire, en violation du mandat d'arrêt. Ensuite, ils doivent retourner en prison. Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no pictures of won't be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live. Là, vous avez 19 ans, Michel, vous avez 18 ans, vous êtes toutes les deux étudiantes à l'Université de New York et membre de la Black Student Union. Est-il facile d'être jeune et noir aujourd'hui dans une ville comme New York ou aux États-Unis? Not at all. Non, pas du tout. Not in the slightest. I never know how to explain to people. Je ne sais jamais comment expliquer aux gens ce que c'est d'être noir. You know, the littlest things, whether it's et juste d'exister. When I share my opinion, quand je donne mon avis, les gens pensent que je suis agressive. Quand je parle de race, les gens disent c'est tout ce dont tu veux parler, comme si c'était la seule chose dont je m'occupe. Je ne peux pas marcher dans la rue et croiser une voiture de police sans me sentir mal à l'aise. Ça a toujours été ma réalité. Je n'ai jamais été à l'aise à côté de la police ou à côté des bâtiments du gouvernement. Je ne me sens jamais en sécurité, toujours gênée, parce que ce que je sais est la vérité. J'ai toujours peur que si je lève la main en classe et dis quelque chose d'impopulaire, les gens pensent que je suis juste une femme noire en colère. Je pense que c'est ce que les gens ne comprennent pas quand nous avons cette conversation. Ils ne saisissent pas que c'est toujours difficile de faire ce genre de choses simples parce que je suis noire, que je suis jeune, que je suis une femme. Ce n'est pas facile du tout pour moi. Non, c'est pas facile. Au moins pour moi. Je ne peux pas parler pour la communauté. Mais ma mère m'a toujours dit, tu dois toujours travailler deux fois plus dur. Et si vous grandissez en pensant que vous devez travailler deux fois plus dur, ce sera automatiquement difficile. Mais vous le faites, vous travaillez deux fois plus dur et vous obtenez ce que vous devez obtenir. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons fait depuis le début de cette lutte jusqu'à maintenant. Et c'est ce que nous ferons dans le futur. C'est pas facile, mais nous faisons ce que nous avons à faire pour avancer, dans le but de faire changer les choses. Donc peut-être qu'un jour, nous n'aurons plus à dire à nos enfants qu'ils doivent travailler deux fois plus dur. Well, you were born, here you came, something like 15 years ago. And though your father and mother and grandmother, looking about the streets through which they were carrying you, staring at the walls into which they brought you, had every reason to be heavy-hearted, yet they were not. For here you were, Big James, named for me. You're a big baby, I was not. Here you were, to be loved. To be loved, baby, hard, at once, and forever. To strengthen you against the loveless world. Remember that. I know how black it looks today for you. It looked bad that day too. Yes, we were trembling. We have not stopped trembling yet. But if we had not loved each other, none of us would have survived. And now, you must survive, because we love you. And for the sake of your children, and your children's children. James Baldwin from The Fire This Time.